Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme, et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles, sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. Mettez littéralement vos bottes de suite afin de ne pas choper des tiques en route car on va aller dans la nature, la vraie, pas celle de votre balcon monopersonnel de centre-ville. J'avais allé pratiquer une activité que ma sœur et son copain, écologue de métier et de passion, font à intervalles réguliers. Explorer la nature en attendant que les crapauds fassent ce que vous savez. On dit toujours que la France a pu du cul, comme le camembert, et qu'il n'y a rien à voir. Eh bah... Ouais, c'est pas faux. C'est faux et archi-faux. Il y a 182 854 espèces de faune, de flore, de fonge, les champignons, prenez le terme fongicide, de bactéries terrestres et de bactéries marines, qui sont inventoriées en France par l'Unité Patrimoine Naturel du Muséum d'Histoire Naturelle et le CNRS. Et parmi elles, 19 424 espèces sont endémiques en France, dont 84% sur les territoires d'outre-mer. Les politiques, les territoires que vous oubliez trop souvent. Pour les trois personnes du fond de la classe à côté du radiateur où je me trouvais moi-même, une espèce animale ou végétale est dite endémique d'une région déterminée si elle n'est présente naturellement que dans cette région. Par exemple, les lémuriens de Madagascar. La France métropolitaine entourée de mers et d'océans. Avec des récifs montagneux dispersés sur les quatre points du pays, offrant divers climats au sein de la... même zone géographique, passant du climat océanique pour la ville de Tours à un climat continental pour la ville de Paris. Il y a trois types de végétation également en France, les forêts tempérées à feuilles caduques sur l'écrasante majorité du territoire, les forêts sclérophylles et les maquis du sud de la France, et enfin, les montagnes et hauts plateaux des Alpes et des Pyrénées. Et c'est cette richesse territoriale qui rend notre pays si singulier dans le monde. Et je n'oublie pas non plus nos compatriotes de l'autre côté des océans, qui sont encore plus riches que nous sur ce plan. Je vous embête quelques secondes avant de commencer, car je vais ressusciter le latin comme langue à part entière, avec des mots dignes d'incantations mystérieuses. Je vais vous embêter quelques secondes pour deux petits trucs. Premièrement, je vais ressusciter le latin comme langue à part entière, avec des mots dignes d'incantations mystiques. Et enfin, deuxièmement... Je sais qu'on va parler beaucoup d'espèces animales, on va surtout parler d'espèces animales, et pour le coup, il faut qu'on sache que dans les sciences du vivant, il y a la classification scientifique. Donc cette classification des espèces est la méthode ou ensemble de méthodes permettant de classifier le vivant, couplé bien sûr à la taxonomie, qui est le résultat de la méthode de la classification. Il y a différents tiroirs, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Le moyen mémotechnique le plus efficace pour retenir la classification, c'est « reste en classe ou fais de grandes études ». On sait qu'aujourd'hui, faire de grandes études ne sert plus à grand-chose. Prenons l'exemple du chat, plus spécifiquement désigné sous le nom de chat domestique, Felis catus, vous voyez, le latin est en vie. Son règne, c'est Animalia, les animaux. L'embranchement, Cordata, qui provient de la notocorde, qui est une lamelle cartilagineuse située sur le côté dorsal de l'animal, forme la plus élémentaire du squelette interne. La classe, Mammalia, mammifère qui se distingue par la présence de fourrure, excepté pour certains mammifères marins, et d'une oreille moyenne comportant trois os, d'un néocortex et de glandes mammaires. L'ordre, Carnivora, carnivore avec la carnassière, qui est une dent destinée à déchirer de la viande, un peu comme chez les humains, où on pourrait la rapprocher un peu de la canine. Et la famille, Felidae, les félins, qui sont digitigrades, c'est-à-dire qu'ils marchent en s'appuyant sur leurs doigts. Et vous voyez les grandes pattes des chats, et ben en fait, c'est qu'une partie du pied, en fait. Vous vous rendez compte, c'est très très bizarre. Et enfin, parce que bien sûr, il faut finir quelque part, le genre, Felis. Petites et moyennes espèces, et enfin l'espèce, le chat domestique Felis catus. Voilà, maintenant, après ce petit cours de biologie élémentaire, rentrons dans le ventre gargantuesque du sujet, avec plusieurs espèces endémiques de France et de Navarre et des Outre-mer, afin de vous la péter en soirée autour des saucisses cocktails et d'un cake aux olives fait à la va-vite. Felis sylvestris rei est une sous-espèce de chat sauvage, Felis sylvestris, de la famille des félins. Ce chat sauvage de Corse est très proche du chat sarde, qui est également issu vraisemblablement du chat sauvage d'Afrique, Felis sylvestris libica. Ils vivent dans les zones reculées où le couvert végétal les protège des prédateurs. La Citelle corse, Cita White Teddy, est une espèce d'oiseau de la famille des Citidae. C'est une citelle relativement petite, mesurant près de 12 cm. Et oui, ça peut être très grand, 12 cm. Les parties supérieures sont gris bleutées et les parties inférieures blanc grisâtre. Le mâle se distingue de la femelle par sa calotte entièrement noire. L'espèce est assez sédentaire, territoriale et peu farouche, un peu comme les personnes âgées. Elle se nourrit principalement de pignons, mais attrape aussi quelques insectes volants. On trouve cet oiseau depuis la forêt de Tartagine Melaja, au nord jusqu'à celle de l'Ospedale, au sud, mais elle est aussi particulièrement abondante dans les massifs du Monte Cinto, du Monte Rotondo, du Monte Resono et du Monte Incudine. Et oui, avec mon accent italien qui fait tomber les cœurs. On reste en Corse avec la salamandre corsica. La salamandre de Corse, pour les gens qui ne parlent pas corse, est une espèce d'urodèle de la famille des salamandridae. Elle se rencontre jusqu'à 1750 mètres d'altitude. Au-delà, elle n'est plus là. Les vers de terre, Lumbricidae, sont des proies très appréciées, ainsi que les araignées et les insectes qui sont fréquemment approchés à la manière du caméléon. Et ensuite, selon leur taille, elles sont attrapées soit avec la langue, soit par un seau, suivi d'un petit coup de mâchoire. Octodrilus juvii est une espèce de ver de terre de la famille des Lumbricidae. On fait les transitions qu'on peut. Il a été découvert dans le massif de la Grande Chartreuse, qui n'est pas connu que pour son alcool, où il vit sur les terrains en forte pente, entre 1000 et 1200 mètres d'altitude, dans l'humus sous les érables. Peut-être que vous ne vous posez pas les questions, mais les vers de terre jouent un rôle plus qu'essentiel dans l'entretien et le renouvellement des sols, en participant à la minéralisation et à l'humification du sol. En effet, ils décomposent la matière organique, favorisant la biodisponibilité des nutriments pour les plantes et les micro-organismes. Donc non, les vers de terre ne servent pas à rien. Et je lis les noms que j'ai écrits et je me dis pourquoi je me suis lancé ce défi. Merargheria rasini est une espèce de mollusque, petit hommage à Maxime, pour la famille des Hydrobidae. Il y a deux i. Cette espèce est endémique des Bouches-du-Rhône. Elle n'est connue que dans la grotte du Fou à Merargue. Leptoneta cavalerensis est une espèce d'araignée araneomorphe de la famille des Leptoneidae, et c'est toujours dur à dire. Endémique du Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France, elle se retrouve à Cavalaire-sur-Mer, petit coin de paradis que je déconseille aux arachnophobes. La grande chauve-souris brune guadeloupéenne, Eptesicus guadeloupensis, est une espèce de chiroptère de la famille des Versiptylionidae. Elle est endémique à l'île de Basse-Terre, en Guadeloupe. Hommage à tous les Guadeloupéens. Elle a été décrite pour la première fois par Genovese et Baker en 1975. C'est le plus grand membre de son genre à avoir été observé dans le Nouveau Monde. Du museau à la queue, il mesure 13 cm de long et pas 1m30. L'envergure de son aile, elle, est de 5 cm. Skinax jolii est une espèce d'amphibien de la famille des Ilidae, endémique de Guyane, toujours dans nos territoires outre-marins. Elle se rencontre vers 10 mètres d'altitude, aux environs de Roura. C'est pas très haut, sauf si vous êtes un nourrisson. Cette espèce est nommée en l'honneur de Carlos Alfredo Jolie. Leurs yeux, tournés vers l'avant, leur confère le bénéfice de la vision binoculaire, un peu comme certains oiseaux avec lesquels on peut avoir une vision à quasiment 300 degrés. Leurs doigts et orteils sont pourvus de la pastille adhésive, ce qui leur permet de grimper aisément sur les végétaux et ainsi ne pas vivre sur le sol. Le petit chinois. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Chionis minor est une espèce d'oiseau de la famille des Chionidae, répandue à travers les îles subantarctiques. Et c'est pas parce que son nom est marrant qu'il vit au chaud. Ressemblant à un pigeon, le petit Chionis... Putain, j'ai dit chinois depuis le départ et en fait c'est Chionis. Je suis désolé, donc c'est le petit Chionis. A un corps trapu, un cou court, un plumage entièrement blanc ou tranche un bec, des caroncules et des plumes faciales noires. Il est inféodé au littoral et aux zones interidales des îles subantarctiques, en particulier autour des colonies d'autres oiseaux de mer ou de phoques. On continue, on ne s'arrête pas en chemin. Le brochet aquitain, Essox aquitanus, est une espèce de poisson, actinopterygien, et d'eau douce, endémique de Nouvelle-Aquitaine. Et oui, il y a des espèces endémiques partout. Découverte seulement en 2014, c'est tout récent. Elle se différencie du brochet commun par une robe marbrée, un museau plus court, ainsi que par un nombre de vertèbres et d'écailles sur la ligne latérale moins important. Le brochet aquitain dispose d'une aire de répartition très restreinte, bassin de la Charente, de la Garonne, de l'Aller et de la Dour. Donc quand un endroit vous plaît, il n'y a pas de raison de partir, je pense à ma mamie qui est dans la même maison depuis 1968. Neptis dumetorum est une espèce de lépidoptère papillon. On arrive aux insectes de la famille des nymphalidae et de la sous-famille des limenitidinae. Et je vous relève au défi de dire les noms latins. Elle est endémique à l'île de la Réunion. Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît, on est là. Moi, je pensais que l'île de la Réunion, c'était genre tous les présidents des pays, quand ils veulent se faire une réunion entre eux, ils se rejoignent dans une île, donc l'île de la Réunion, parce qu'ils font des réunions. Où elle réside principalement à moyenne altitude, entre 350 et 850 mètres. Papillon de taille moyenne, le dessus des ailes a un fond marron foncé orné de plusieurs taches jaune-orangées. Trois taches post-discales aux ailes antérieures et une bande discale aux ailes postérieures. Acmaeoderilla perotti, le buprestre de Croc, est une espèce de coléoptère endémique de la plaine de la Croc, en France, qui se développe sur les chardons d'Illyrie, aux chardons aux ânes, Onopordum illycrium. Les adultes se retrouvent sur ces fleurs en juin et en juillet. Ils sont bleus, c'est très joli, c'est tout bleu. Comme on ne peut pas être que positif dans la vie, comme on le verra dans l'émission 18 prochainement, nous avons aussi deux espèces endémiques. Oui, c'est ça, deux espèces endémiques. J'ai même trois espèces endémiques. C'est vrai, autant pour moi, il faut que je relise mes émissions. Trois espèces endémiques aujourd'hui disparues. Le bouquetin des Pyrénées, Capra pyrenaica pyrenaica, est l'une des quatre sous-espèces de bouquetin ibérique, Capra pyrenaica. Cette sous-espèce avait la particularité d'avoir les cornes plus longues que tous les autres bouquetins d'Espagne et des marques sombres sur le pelage. Elle vivait dans les Pyrénées françaises. Le dernier individu a été tué près du lac de Gaube, près de Cotteret, en 1910. Le picassarde Prolagus sardus était une espèce de pica, petit lagomorphe décrit comme un lapin géant sans queue. Le picassarde, qui ne fait pas d'électricité, est la seule espèce de mammifère éteinte en France référencée sur la liste rouge de l'UICN. Sa disparition est due à l'introduction de nouvelles espèces prédatrices, renards, chiens, ou compétitrices comme le rat, éteinte en 1902. Et enfin, pour faire plaisir à ma sœur, Pseudo-Hercynia brevipennis, la mante tuberculée, était une espèce de mante de la famille des Amelidae, désormais éteinte mais autrefois présente dans le sud-est de la France. Et oui, parmi les mantes, il n'y a pas que des mantes religieuses. Caractérisée par un corps trapu et des ailes extrêmement réduites, l'espèce présentait des élytres, des ailes très courtes, incapables de recouvrir totalement l'abdomen, ce qui la rendait presque aptère. Les descriptions anciennes rapportèrent à une coloration brun-verdâtre, adaptée à la litière végétale méditerranéenne. Suite à cette rapide exhumation, je ne vous apprends pas l'existence de statut de conservation d'une espèce. Indicateur permettant d'évaluer l'ampleur du risque d'extinction de l'espèce à un instant donné, il se classe de la manière suivante. Non évalué, données insuffisantes, préoccupation mineure, quasi menacée, vulnérabilité, en danger, comme le gorille des montagnes d'Afrique, en danger critique, le wallaby forestier de l'île de Goudenhof ou d'Orchopsis noir, éteint à l'état sauvage, le cerf du père David, ou éteint, comme le dodo. En même temps, le dodo était très moche et était un peu bête pour survivre. La France se classe parmi les 10 pays hébergeant le plus d'espèces menacées sur la planète. Elle jouit d'une position unique au monde en termes de richesse naturelle. Via ses départements territoires et collectivités d'outre-mer, elle est présente dans 5 des 35 points chauds du globe, ces zones où la diversité biologique s'avère la plus grande, mais la plus en danger, où les espèces endémiques sont très très nombreuses. La loi du 10 juillet 1976 protège déjà certaines espèces menacées en France. Elle en interdit la capture, la vente, l'achat et même la perturbation intentionnelle. Et oui, ces lois sont utiles. On n'a pas à avoir de tortue de Floride à la maison. On n'a pas à avoir de homard américain à la maison. Vous êtes bêtes comme vos pieds. En tant que Che Guevara des bacs à sable que vous êtes, vous vous demandez comment moins abîmer la nature. On sait tous qu'un pansement sur une jambe de bois ne sert à rien. Une première bonne action à haut niveau de décision est déjà de préserver les environnements naturels, par le biais des parcs nationaux, des parcs régionaux, des réserves naturelles ou des réglementations pour constituer des réserves biologiques. Ensuite, ne jetez plus vos déchets dans la nature. Enough. Monsieur, enough, enough. Tout ce qui est préservatif usagé, mégots de cigarettes, emballage de sandwich triangle au goût chambre à air, vous les gardez pour vous, sinon je viens moi-même vous les rendre. Sans oublier les braconniers de merde qui pillent l'Afrique juste pour foutre des têtes d'animaux morts avec des familles dans le grand salon qui puent le formol, que je vous conjure de... à sec avec un outil ayant le tétanos. Et avec les remerciements de Mère Nature au passage. Enfin, arrêtons d'importer des espèces animales et végétales n'ayant rien à faire là. Comme ces couillons d'anglais qui, en arrivant en Australie, se sont dit que ce serait bien d'avoir des lapins pour chasser. Et comme il y a bien eu trop de lapins d'un coup, ils se sont ramenés avec des renards pour tuer les lapins. Mais comme le renard, lui, était moins con qu'il n'y paraît sous ses airs de voleur du dimanche, s'est mis à se délecter d'espèces locales pas trop vivaces comme les koalas ou les wombats. Et voilà comment, en moins de 300 ans, on nique sa singularité animalière pour le plaisir de bourgeois qui n'arrive plus à bander. Redescends, trop impatient, attends. Changement d'ambiance radicale maintenant, avec un gros focus sur le local, avec le... Journal France 3 Centre Val-de-Loire en direct du Val-d'Amboise. En 2023 est sorti de sous terre l'Atlas de la biodiversité intercommunale porté par la communauté de communes du Val-d'Amboise, suivi d'un plan d'action adopté en 2025. Toutes ces informations, je les ai eues grâce à un monsieur, Thomas Boucard, très très gentil. Ces initiatives bienvenues permettent de développer la connaissance de la biodiversité, de ses enjeux, sur le territoire. Il s'agit, selon ce rapport d'étude, d'une première étape vers la mise en place d'actions concrètes et de la création d'une dynamique autour du sujet. Les découvertes ont été resplendissantes, menant les acteurs locaux de surprise en surprise, avec, je vous le donne en mille, ce qui m'a fait beaucoup sourire, la loutre d'Europe, loutra loutra, de retour sur les bords de Loire. Le lézard à deux raies, lacerta bilineata, bien tout vert. Le murin à oreilles enchancrées, Myotis et Marginatus, chauve-souris plutôt endémique de l'ouest de Possé-sur-Cisse, l'opli bleu, Oplia coerulea, le coléoptère bleu tout mimi, volant de juin à juillet, le tétrix des plages, Paratetix meridionalis, ce criquet hygrophile occupe des franges humides du bord des eaux, berges, vaseuses, alluvions sableuses ou caillouteuses, observées tout récemment dans la commune de Noisey. Et enfin, le moineau friqué. Je suis venu soutenir Nicolas Sarkozy dans une épreuve qui est difficile et qui est humiliante pour la France. Préférant la campagne à la ville, à l'inverse de son cousin, le moineau domestique reconnaissable avec sa tache noire sur la joue. De manière plus globale, quasiment 1900 espèces animales et végétales ont été identifiées sur la période 2022-2023. Fait intéressant, ils ont également répertorié les espèces exotiques envahissantes, comme le ragondin, Myocaster quapus, ou la perche-soleil, Lepomis gibbosus, pouvant causer de graves problèmes, car en plus d'une compétition trophique ou spatiale, elles peuvent aussi être porteuses saines de maladies, parfois mortelles pour les espèces locales. C'est notamment ce qui se passe avec certains homards notamment. Voilà ce qui est une bonne action ludique auprès du grand public en plus d'être local. Après ce long périple à travers la France, j'ai les bottes trouées par les péripéties, les moustiques qui se sont crus à un buffet à volonté, la boussole qui m'indique le sud et des tubes de crème solaire qui enrichit l'industrie parapharmaceutique. Dès à présent, je vais aller me poser à côté de mon écran qui me transmet la chaleur d'un bon feu de cheminée avec un bon chocolat froid et souffler un bon coup. La semaine prochaine, en presque direct sur Radioactive 93 et 94.7 FM, puis en réécoute, on se penchera sur le cas particulier de l'inventeur du moteur à eau. C'était Théo Xerès le Furteur, à la revoyure les amigos.